بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer maintenant le cours numéro 15 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est toujours dans le premier fondement, l'asl al-awwal, c'est-à-dire à propos de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms et de ses attributs. Donc au dernier cours, on avait parlé de quelques attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ujb et al-sabr. Aujourd'hui, on parle de al-hub, ifbatu sifat al-hub lillahi subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'affirmation de l'attribut de l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un cours et un sujet extrêmement important. Ici, le Cheikh, il explique, premièrement, ici, c'est un hadith, c'est le hadith numéro 23. Il dit, « وَلَهُ » يعني l'imam muslim. « عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى يَا جِبْرِيلُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فأحبه نعم فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض ويوضع له القبول في الأرض. Donc c'est un hadith rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira رضي الله عنه, dans lequel le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit: certes, Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il aime un serviteur, il appelle les habitants des cieux, il appelle parmi les habitants des cieux Jibril. Il dit, oh Jibril, j'aime un tel parmi les serviteurs, alors aime-le. Alors Jibril l'aime. Puis Jibril appelle les habitants des cieux et il leur dit, certes, Allah a aimé un tel, alors aimez-le. Alors, les habitants du ciel l'aiment. Et on lui donne l'acceptation sur la terre. L'acceptation des yani lui est donnée sur la terre. Donc, on va lire l'explication de ce hadith-là. Il y a plusieurs narrations de ce hadith, plusieurs versions de ce hadith. Et c'est un hadith important qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut qu'il aime. Il aime certaines personnes et il y a d'autres personnes qu'il n'aime pas. Il y a d'autres personnes qu'il n'aime pas, il y a des personnes qu'il aime. Il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas. Subhanahu wa ta'ala. Donc on va lire l'explication. Le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, هذا الحديث فيه وصف الله تعالى بأنه يحب كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله جل وعلا يحب من عباده أهل الطاعة وأهل الإيمان فالحب صفة من صفاته جل وعلا وهي صفة تليق بجلاله وليست ك محبة المخلوقين وليست محبته كمحبة المخلوقين فهو سبحانه يحب والمخلوق يحب ولا تشبه ولا تشبه محبة الخالق محبة ولا تشبه محبة الخالق محبة المخلوقين وهذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة والله جل وعلا يحب بعض عباده من أهل الطاعات والتقوى فإذا أحبهم نادى الله تعالى جبريل عليه السلام يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء وهذا فيه دليل على أنه يحب وأن نحب من يحبه الله سبحانه وتعالى والله يحب التوابين ويحب المتطهرين فنحن نحب بحب الله جل وعلا لهم ونبغض أهل الكفر والمعاصي وهذا من الولاء والبراء فالملائكة تحب ما يحبه الله ونحن كذلك نحب ما يحبه الله من الأعمال ومن الأشخاص. Donc le cheikh il explique ici, il dit, voici donc le hadith dans lequel il y a la description d'Allah, hein, et qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc il a l'attribut de l'amour. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans plusieurs versets dans le Coran, dans le verset 54, dans Surat Al-Ma'idah, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous apostasie de sa religion, alors sachez que ça ne nuit nullement ou aucunement à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un peuple qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, ou que Allah aime, yuhibbuhum, que Allah aime, wa yuhibbunahu, et eux l'aiment, hein, et eux aiment Allah. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a des gens, par exemple, on entend souvent aujourd'hui même, beaucoup de gens qui disent, ah, un tel, par exemple, les koufars, ils font ça maintenant, sur Internet, ils ont des comptes, hein, où ils font la promotion, où ils exposent, ils disent nous on a apostasié de l'islam, et ils disent on a apostasié de l'islam, et ils mettent des comptes comme ça sur Twitter ou bien sur Facebook ou des choses comme ça, et même il y en a qui créent même des sites comme ça pour essayer de appeler les gens à l'apostasie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, quiconque d'entre vous apostasie de sa religion, ça veut dire, ça ne va nuire aucunement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si des gens ont quitté la foi, ont quitté le droit chemin pour aller vers la mécréance, pour aller vers l'égarement et pour aller vers l'enfer, ça ne fait pas de tort à personne excepté à eux-mêmes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un peuple que Allah aime et qui aime Allah. Hein, et qui ne craignent, qui lutte dans le sentier d'Allah, et qui ne craignent le blâme d'aucun blâmeur, qui ne craignent le blâme de personne dans l'ordre d'Allah, quand c'est le temps d'obéir à Allah. Hein? Et donc, ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime certaines de ses créatures. Il dit dans un autre verset, le verset 222, dans Surat Al-Baqarah, « Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. » Certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime at-tawwabin. At-tawwab, c'est la forme exagérée de ta'ib. At-ta'ib, c'est celui qui se repent. At-tawwab, c'est celui qui se repent constamment, sans arrêt. À chaque fois qu'il fait un péché, il se repent. At-tawwab, c'est ça. Donc, at-tawwaboun, ici, c'est sous la forme objective, donc at-tawwabin, bilia, parce qu'il est mansoub. Yuhibbu at-tawwabin. Donc, le mot tawwabun, il est mansoub, donc il prend un ya, tawwabin. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. C'est la même chose, ceux qui se repurifient à chaque fois. Hein? Et donc, Allah Azza wa Jal, ça c'est la preuve que parmi ses serviteurs, il aime ceux qui font partie des gens de l'adoration, ceux qui font partie de l'obéissance, des gens de l'obéissance, il aime ceux qui font partie de des gens de la foi. Hein? Et si, par exemple, ce sont des musulmans qui font des péchés ou qui ont commis des péchés, hein, c'est sûr qu'il aime, moins ceux qui font des péchés que ceux qui ne font pas. Mais il aime plus ceux qui se repentent de leurs péchés que ceux qui ne se sont pas repentis. Hein? Donc, quand tu dis quelqu'un est tombé dans le péché, hein, c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas quelqu'un qui fait des péchés et qui persiste à faire les péchés. Mais quand cette personne-là s'est repentie à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime encore, et même plus. Hein? Et il se réjouit de sa repentance. Donc ça veut dire que quelqu'un, s'il est tombé dans le péché, ça ne veut pas dire qu'il va rester toujours dans cet état-là ou que Allah va le détester tout le temps. Tant que la personne va se repentir à Allah, Allah va continuer à l'aimer, et va l'aimer encore. hein, et va l'aimer plus même. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et le cheikh explique donc que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a cet attribut qu'il aime, et c'est l'attribut de l'amour. Et il dit que l'attribut de l'amour pour Allah, c'est un attribut qui convient à sa perfection et à sa majesté et à sa grandeur. Et que son amour, c'est-à-dire l'amour d'Allah, n'a aucune implication de défaut ou d'imperfection qui pourrait exister chez les créatures. Lorsqu'on attribue cet attribut-là à des créatures, c'est-à-dire on dit par rapport aux créatures qu'ils aiment, l'amour des créatures, c'est une chose, et l'amour du Créateur, c'est autre chose, dans le sens que il ne faut pas essayer de comparer ou de faire de comparaison entre l'amour d'Allah et l'amour de ses créatures, puisque les attributs d'Allah conviennent et correspondent à Allah, à sa grandeur, à sa perfection, à sa majesté, tandis que les attributs des créatures correspondent aux créatures dans leurs limites, dans leurs faiblesses, dans leurs défauts et dans tout ce que ça peut impliquer. Donc, on ne doit jamais faire de comparaison ou essayer de faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. D'accord ? Même si on dit, par exemple, pour les êtres humains, que les êtres humains aiment et que Allah aime, mais l'amour que Allah a et l'amour des créatures, c'est pas la même. C'est pas comparable. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Et ça, c'est un fondement et un principe parmi les principes de Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Hein? Après, le Cheikh, il dit, Wallahu Jalla wa Ala yuhibbu ba'da 'ibadihi min ahli at-ta'a. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime certains de ses serviteurs parmi les gens de l'obéissance et de la piété, hein, qui ont at-taqwa, qui se préservent d'Allah. Et lorsqu'il les aime, ces créatures-là, il appelle son ange, hein, le plus grand, Jibril, alayhi salam, et il lui dit, « Oh Jibril, j'aime un tel, alors aime-le toi aussi. » Alors Jibril l'aime à ce moment-là, et Jibril, lui, il va passer le message aux habitants des cieux en leur disant, en disant aux autres anges, que Allah aime un tel, alors de l'aimer eux aussi. Alors les habitants des cieux se mettent à l'aimer également. Et il y a donc ici la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala aime et qu'il a l'attribut de l'amour et que nous devons aimer selon l'amour d'Allah. Nous devons aimer selon l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et Allah aime par exemple ceux qui se repentent constamment et il aime ceux qui se purifient constamment et nous les aimons par l'amour d'Allah, hein, pour l'amour que Allah a pour eux. Et en même temps, nous détestons les gens de la mécréance, les gens de la désobéissance, et ça fait partie de l'amour et de l'allégeance et du désaveu. L'allégeance, c'est-à-dire le fait d'aimer et de s'allier aux croyants, et d'aimer pour Allah, et le désaveu, c'est-à-dire de se désavouer pour Allah, de ceux qui ne croient pas en lui ou qui lui désobéissent. Et donc, les anges, ils aiment tout ce que Allah aime. De même que nous aussi, les croyants, hein, que Allah nous fasse parmi les croyants, qu'il nous fasse mourir parmi les croyants aussi, hein, eh bien, nous aimons ce que Allah Azza wa Jal aime parmi les actions et parmi les êtres et les personnes. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam thumma yudha'u lahu al-qabul fi al-ard ay tudha'u lahu al-mahabbatu fi qulubi an-nas fa idha ra'aita shakhsan yuhibbuhu an-nas min ahli al-khayr wal-iman fa hadha 'alamatun 'ala anna Allah qad ahabbahu wa ahabbathu al-mala'ika fa idha ra'aita shakhsan yakrahuhu ahli ad-din وأهل الإيمان فاعلم أن بأن هذه علامة على أن الله يكرهه ويكرهه كذلك أهل السماء والله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة. فالطاعات سبب لنيل محبة الله جل وعلا ومحبة الملائكة ومحبة الملائكة لنيل محبة الله أو نعم فالطاعات سبب لنيل محبة الله وملائكة ومحبة الملائكة وأهل الأرض، والمعاصي على العكس فهي سبب لبغض الله جل وعلا لها لبغض الله جل وعلا لها ولصاحبها، وبغض أهل الأرض له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس. Donc le cheikh il termine l'explication de ce hadith en disant que ensuite, une fois que les anges, les habitants des cieux ont déclaré, ont aimé cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis on, tu peux mettre le truc dans toi. Barakallahu fik. يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. On lui donne l'acceptation sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah met l'amour de cette personne dans le cœur des gens, parmi les êtres humains. Donc, il dit, des fois, tu vois une personne, si tu vois une personne et que les gens du bien et les gens de la foi l'aiment, il dit, ça, c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne et que les anges l'ont aimé. Et si tu vois une personne, les habitants, les gens de la religion, le détestent et les gens de la foi le détestent, sache que ça, c'est un signe que Allah déteste cette personne et que les habitants des cieux le détestent aussi. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ce qui signifie, il dit le verset 96 dans Sourate Maryam, qui signifie, certes, ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, Allah va leur donner l'amour. Allah va leur donner l'amour. Et donc, c'est-à-dire que les hommes vont les aimer, les gens vont les aimer, les gens du bien, parce que les gens du mal, ils n'aiment pas les gens du bien. Les gens qui sont sur la foi, qui obéissent à Allah et qui font le bien, ils aiment les gens de la mécréance, ils les aiment pas. Les gens du bien, ils les aiment pas. Les gens du mal n'aiment que les gens du mal comme eux. Et même les gens, parfois, ils n'aiment pas les gens, même les gens du mal, ils les aiment pas non plus. Il y en a qui n'aiment personne. Il y en a qui n'aiment personne. Et si c'est des gens du bien, les gens du mal les aiment pas. Les gens du mal, les gens de la mécréance, ils ne peuvent pas supporter les croyants. Impossible. Donc si tu vois que toi tu es un musulman, yani les koufars, ils t'aiment. Les koufars, ils t'aiment malgré que tu es un croyant, tu défends ta religion, tu dis la vérité, tu ordonnes le bien, tu interdis le mal, et tu pratiques ta religion fermement, et que eux ils t'aiment malgré ça. Yani ça veut dire que yani ces gens-là, c'est pas possible en fait. C'est pas possible qu'ils t'aiment si t'es croyant. Peut-être qu'ils vont aimer certaines choses s'ils voient du bien en toi, parce qu'ils voient qu'ils reconnaissent que qu'est-ce que tu fais c'est du bien. Et s'ils t'aiment pour le bien que t'as en toi, alors que t'es un croyant et qu'eux sont des mécréants, c'est parce que peut-être qu'en eux-mêmes il y a du bien qui fait que peut-être par la grâce d'Allah, si tu les appelles à l'islam, ils vont se convertir à la foi. Mais sinon, en règle générale, les gens de la mécréance et les gens du mal, ils n'aiment pas le bien. Ils n'aiment pas les gens du bien. Ils n'aiment pas les gens de la foi. C'est pour ça que vous voyez toujours les koufars maintenant, ils disent ça. Ils disent, oh, nous, on n'a rien contre l'islam, on n'a rien contre les musulmans. Mais du moment que les musulmans ne pratiquent pas leur religion ouvertement ou qu'ils n'ont pas des signes d'appartenance à l'islam. C'est-à-dire que si tu vois pas en eux quelque chose qui montre que ce sont des musulmans, alors là oui, on n'a rien contre eux. Mais du moment qu'ils exposent ou ils montrent quoi que ce soit de ce qui a rapport avec leur religion, ou qu'ils nous parlent de leur religion, ou qu'ils disent des choses de leur religion, ou qu'ils pratiquent leur religion ouvertement, alors là, on les aime pas, les musulmans. Donc ça, c'est l'attitude de beaucoup d'hypocrites à notre époque parmi les laïcs et les mécréants. Et c'est la preuve qu'ils n'aiment pas les musulmans, pour de vrai. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu dis « j'aime les musulmans », ça veut dire que tu devrais les aimer pour qu'ils soient plus musulmans encore. Hein? Et quand tu vois, par exemple, l'autre jour, j'étais en train de réfléchir à un verset dans Surat Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé les musulmans en trois catégories. Il dit « ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ » Cheikh Saadi, hein, ce verset-là, ça signifie quoi? Ça signifie « Puis ensuite, nous avons fait hériter le livre à ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. » Parmi eux, il y a le zalim linafsihi, c'est-à-dire celui qui se fait du tort à lui-même. Et il y a al-muqtasid, hein? Ça c'est la deuxième catégorie. Et il y a as-sabiqu bil-khayrat, celui qui dépasse tous les autres dans le bien. Donc il y a celui qui se fait du tort à lui-même, il y a celui qui est dans la position ou la situation intermédiaire, puis il y a celui qui dépasse tous les autres dans le bien. D'accord? Donc, si on regarde cette catégorisation que Allah a fait des croyants, Cheikh Al-Sa'di, il dit, « فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِالْمَعَاصِ » Celui d'entre les musulmans qui se fait du tort à lui-même, il a dit, ce sont des gens qui font des péchés, qui désobéissent à Allah. Donc, c'est le musulman qui est un musulman qui fait des péchés. « وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ » Et il dit les péchés qu'ils font, c'est-à-dire des péchés qui sont moindres que la mécréance, moindres que le shirk, bien entendu. Parce que s'ils font du shirk, ils ne seront plus musulmans. « وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ » يعني « مُقْتَصِرٌ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَتَارِكُ لِلْمُحَرَّمِ » Donc la position intermédiaire, c'est le musulman, il se limite uniquement à faire ce qui est obligatoire et il délaisse ce qui est haram. Il fait seulement ce qui est obligatoire et il ne fait pas ce qui est haram. Ça, c'est la position du musulman intermédiaire. C'est-à-dire, il ne va pas faire ce qui est mustahab, ce qui est recommandé, et il va peut-être faire ce qui est makruh, ce qui est détestable. Ça, c'est le muqtasid. Et il y a as-sabiqu bil-khayrat, c'est-à-dire, wa minhum sabiqum bil-khayrati. Il dit « Sari'un fiha wajtahada fasabaka ghayrahu wa huwa mu'addi lil fara'id wa al-mukthiru min al-nawafil al-tariku lil muharram wal makruh fa kulluhum istafahu Allah li warathati hadha al-kitab wa tafawatat maratibuhum wa tamayyazat ahwaluhum فَلِكُلِّمْ مِنْهُمْ قِسْتٌ مِنْ وَرَاثَتِهِ حَتَّى الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ مَعَهُ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ وَعُلُومِ الْإِيمَانِ وَأَعْمَالِ الْإِيمَانِ » Donc le cheikh il dit, tandis que celui qui a devancé tous les autres dans la foi, hein, eh bien c'est celui qui a fait beaucoup d'efforts dans la foi, beaucoup d'efforts dans la religion. Il fait tout ce qui est obligatoire, hein, ou bien il fait ce qui est obligatoire, et il fait beaucoup d'actes surérogatoires et volontaires, en plus de ce qui est obligatoire, et il délaisse ce qui est haram, et ce qui est détestable aussi, ce qui est makruh, en plus. Hein. Et ces trois catégories-là, Allah les a choisies. Parmi les trois catégories, les croyants, qui sont divisés dans ces trois catégories-là, Allah les a tous choisis pour être les héritiers de son livre selon leur degré, et ils sont différents selon leur état et leur situation, et ils ont tous une part de cet héritage. Même celui qui se fait de l'injustice à lui-même en faisant des péchés, il a une part de cet héritage-là, malgré qu'il a des faiblesses ou des péchés, mais il a la base de la foi, hein, et il a la connaissance de, des connaissances de la foi, il a des actions de la foi. Donc, il a hérité du livre. Et qu'est-ce qu'on veut dire par l'héritage du livre, ou le fait d'hériter le livre, c'est-à-dire hériter de sa science, hériter de sa pratique, d'étudier son texte et d'en extraire les significations. Et après le verset suivant, il dit « Jannatu adnin yadkhulunaha ». Ils vont tous rentrer au paradis. Hein? Mais c'est sûr qu'ils ne vont pas tous rentrer en même temps. Et c'est sûr qu'en même temps, ils vont rentrer au paradis. Ils ne vont pas tous être au même degré dans le paradis. Hein? Il y en a même parmi eux qui vont rentrer en enfer avant de rentrer au paradis. Parmi les zalimoun et les anfusihim. Et parce qu'ils n'ont pas fait de shirk, ils ne vont pas y rester éternellement. Ils vont en sortir tôt ou tard. D'accord? Donc, quand tu regardes ces koufars-là, qui parlent des musulmans et qui disent, nous, on veut, hein, on veut que les musulmans ils soient des musulmans, mais juste, hein, on ne veut pas le voir, leur islam. En réalité, ils veulent qu'on soit même en dehors de ces trois catégories-là. Hein? Ils ne veulent même pas qu'on soit des musulmans « zalimoun ali anfusihim », encore moins des « muqtasidoun » et encore moins des « sabiqoun bil khayrat » parce que celui qui est « sabiqoun bil khayrat » pour eux, ça y est, c'est un extrémiste. Même le « muqtasid » pour eux, c'est un extrémiste. Hein? Alors, à la limite, ils peuvent peut-être tolérer le « zalim li nafsi », hein, celui qui se fait de l'injustice à lui-même, le pécheur. Et encore là, c'est pas facile pour eux s'il affirme les tenances des fondements de la foi. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement sérieux et c'est extrêmement dangereux ce qui se passe actuellement dans le monde. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. Tu voulais dire quelque chose? Ça, on l'a expliqué quand on a fait le charh de Al-Furqan. On a expliqué qu'il y a dans certains versets la division en deux groupes. Hein? Comme tu dis, Al-Muqarrabin ou Ashab al-Yamin. Et dans l'autre groupe, il y a aussi... dans ce verset-là, donc dans le verset de Al-Waqi'ah, comme tu mentionnes, Al-Maymana wa Ashab al-Mash'ama puis non, ça c'est tu parles d'une autre sourate dans le Waqi'a idha waqa'at wa kuntum azwajan thalatha fa Ashab al-Maymanati ma Ashab al-Maymana wa Ashab al-Mash'amati ma Ashab al-Mash'ama wa as-sabiquna as-sabiqun. C'est ça les divisions, d'accord? Donc, il y a les gens de la droite, les gens de la gauche. Les gens de la gauche, c'est les gens de l'enfer. Les gens de la droite, c'est les croyants. Puis, il y a As-Sabiqoun. Et dans l'autre verset, il y a l'ajout de l'autre catégorie qui est Al-Zalimu li-Nafsihi. Al-Zalimu li-Nafsihi. Donc, tout ça, on a expliqué en détail dans l'explication de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah quand on avait lu justement les détails à ce sujet-là. C'est-à-dire le musulman qui a passé un temps en enfer, est-ce que lorsqu'il rentre au paradis, il va être uniquement au plus bas niveau du paradis ou bien est-ce qu'il pourra monter en degré? Allahu a'lam. Pour te dire franchement, ça dépend de qu'est-ce qu'il a fait, ça dépend de sa foi, ça dépend aussi comme Allah subhanahu wa ta'ala, quelle miséricorde il veut lui faire. D'accord? Donc, Allahu a'lam. Mais dites-toi une chose, que même le plus bas dans le paradis, et le dernier à rentrer dans le paradis, il ne va même pas penser peut-être que quelqu'un peut avoir plus que lui dans le paradis, tellement il a des grâces. Hein? C'est-à-dire, quand ils vont sortir de l'enfer, les croyants qui ont passé un temps en enfer, ils sortent de l'enfer complètement calcinés, comme du charbon. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala les met dans une source d'eau qu'on appelle Nahrul Hayat. Et ils sortent comme une graine lorsqu'elle sort de son écorce, hein, de son écaille là, elle s'ouvre, puis tu le vois, elle sort comme ça. Donc, de cette façon-là que les croyants vont sortir. Donc, le cheikh, il explique ensuite que donc, les obéissances sont une cause pour obtenir l'amour d'Allah et l'amour des anges et l'amour des gens, de la, des habitants de la terre. Et les péchés, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est une, les péchés sont une cause pour obtenir la colère d'Allah et être détesté d'Allah et d'être détesté par les anges et d'être détesté par les habitants de la terre. Donc, c'est une cause, les péchés, pardon, c'est une cause pour avoir la colère d'Allah, pour la, l'acte des péchés elles-mêmes et pour ceux qui font ces péchés-là. Et c'est une cause également pour que les habitants des cieux et de la terre les détestent aussi. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Antum shuhada'ullah fil ard » « Vous êtes les témoins d'Allah sur terre ». Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas, radiyallahu anhu. Le hadith suivant, qui est le hadith numéro 24, il, le titre, c'est « Ithbatu ru'yati al-mu'minina li rabbihim yawm al-qiyama » C'est-à-dire l'affirmation du fait que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection. Donc, les croyants vont voir Allah. Ça, c'est une chose que les gens de Bid'a, ils refusent d'affirmer. Parmi les Jahmiya, les Mu'tazila et les Asha'ira, ils refusent ça. Hein? Ils disent non, Allah n'a pas de direction, n'a pas d'endroit, n'a pas de lieu. Ils utilisent ça comme Shubha pour nier qu'on puisse voir Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit clairement dans le Coran. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Hein? Des visages seront ce jour-là illuminés, hein? Éclaircis, regardant leur Seigneur. Regardant son Seigneur. Ça veut dire que ces visages-là, ils vont regarder leur Seigneur, ils vont voir leur Seigneur. Et il y a des hadiths explicites et clairs à ce sujet-là, dont le hadith qu'on va lire maintenant, le hadith de Jarir, hein, rawahu Jarir. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح رواه جرير عن مقال محمد فقل بمثل ما قد قال في ذاك تنجح. C'est dans le poème de Al-Ha'iyya de l'imam Abu Daoud al-Sijistani. L'imam Abu Daoud al-Sijistani, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala va se manifester aux croyants au jour de la résurrection comme on voit la lune. Et ça, c'est, et ton Seigneur est plus clair. Il dit, c'est rapporté par Jarir de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dis la même chose qu'il a dit, alors tu vas être sauvé. Ça, c'est l'imam Ibn Abi Daoud al-Sijistani qui dit ça dans son poème sur la aqida d'Ahl al-Sunnah al-Ha'iyya. Et ici, le hadith, le cheikh, il l'a mentionné. Il dit, « An Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu anhu, قال, kunna julusan عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فاصبر على ما تقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب رواه الجماعة. Donc ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Abu Daoud et Tirmidhi et Ibn Majah selon Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radiyallahu anhu, il dit nous étions assis avec le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a regardé la lune alors qu'elle était pleine. Et la pleine lune en arabe, on l'appelle Al-Badr. Hein? Donc Al-Badr, c'est la pleine lune en arabe. D'accord? Donc il regarde la pleine lune et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez voir votre Seigneur de la même manière que vous regardez la lune. Hein? Sans avoir de difficulté, sans avoir à vous bousculer les uns les autres pour la regarder. Hein? C'est-à-dire qu'on va pouvoir le voir et le regarder comme de la même manière que c'est facile pour nous de regarder la lune quand elle est pleine dans le ciel et qu'il n'y a pas de nuages, et bien de la même manière que nous pourrons tous voir notre Seigneur au jour de la résurrection. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré qu'il y aura des milliards et milliards d'êtres humains réunis sur une seule place ce jour-là, au jour de la résurrection, donc en général, hein, quand les gens sont dans une foule et qu'ils veulent voir quelque chose, si la chose est devant eux, c'est seulement les grands qui dépassent tout le monde qui sont capables de voir qu'est-ce qu'il y a en avant. Les petits, ils sont en bas, ils ne peuvent pas voir parce qu'ils ne sont pas capables de voir à cause de la foule qui les empêche. Mais par contre, si c'est la lune, la pleine lune qui est dans le ciel, un jour où il n'y a pas de nuages, tout le monde est capable de voir. Hein? Et donc ça, c'est pour dire qu'au jour de la résurrection, les croyants, ils n'auront aucune difficulté de voir Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière que lorsqu'on est réunis la nuit et qu'on voit la pleine lune, on n'a aucune difficulté de voir la pleine lune. Donc c'est pas la ressemblance ici, c'est pas la ressemblance entre Allah et la lune. C'est la ressemblance de la facilité de voir. Hein? Donc c'est pas du tout là. Parce que les gens de Bid'a, des fois, ils essaient de jouer comme ça avec ce genre de choses-là. Et ils disent, vous, vous faites ressembler Allah à la lune. Non, ça n'a pas rapport. On parle de la facilité de voir qu'on a, la facilité de voir, la facilité qu'on aura à voir Allah, subhanahu wa ta'ala. La facilité. C'est-à-dire que ce ne sera pas difficile pour les croyants de voir Allah au jour de la résurrection, de la même manière qu'on n'a pas de difficulté pour voir la lune quand elle est pleine le soir et qu'il n'y a pas de nuages, on peut tous la voir. Même s'il y avait 1 million d'êtres humains réunis à une seule place, on serait tous capables de la voir comme il faut. Ce n'est pas parce que la lune, c'est beau de voir la lune le soir que... Non. Et dans une autre narration du hadith, dans une autre narration de ce hadith, il mentionne même la facilité de voir le soleil en plein jour, quand il n'y a pas de nuages aussi, quand il est en plein milieu du ciel. Donc c'est la même chose. Oui, il y a beaucoup d'autres preuves. Oui, le cheikh, il n'a pas mentionné ici ce détail, mais vous allez entendre d'autres explications là dans le charh. Donc le cheikh, il a cité, il dit ensuite, donc la suite du hadith, il dit donc, si vous êtes capable de ne pas être, c'est-à-dire que si vous êtes capable de ne pas être dépassé dans le fait d'établir la prière avant le lever du soleil et avant son coucher, c'est-à-dire la prière de Fajr et la prière de Asr, il dit alors faites-le. Hein, si vous êtes capable de ne pas être dépassé dans l'application de la salat avant le lever du soleil et avant son coucher, alors faites-le. Puis il a récité le verset 130 dans Surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et patiente vis-à-vis de ce qu'ils disent et glorifie la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique le hadith, il dit « وَهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ أَنَّ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ يعني ليلة التمام إما ليلة الرابع عشر أو خامس عشر التي فيها يتكامل القمر لأنه يبدو في أول الأمر هلالا ثم يكبر ولا يزال يكبر حتى يتكامل فيصير بدرا كاملا ثم يأخذ في النقص حتى يعود هلالا في آخر الشهر وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى والحكمة في تقدير منازل القمر هي لأجل أن يعرف الناس الحساب. قال تعالى والقمر نورا والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. دونك للشيخ فقوله إذا نظر إلى القمر ليلة البدر أي في حال تكامله وبهائه وحسنه فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. والقمر ليلة البدر يراه جميع الناس كل في مكانه دون أن يتزاحموا فيراه أهل البر وأهل البحر من غير مزاحمة. فالمؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر. وهذا معنى قوله يعني لا تضامون في رؤيته. وفي رواية تقرأ لا تضامون بالشدة إذ يجوز ضم التاء وفتحها وهو بتشديد الميم من الضم أي لا ينضم بعضكم إلى بعض فلا يتزاحمون لرؤيته بل تسوون كلكم تستوون كلكم في رؤيته تعالى. إذ من عادة الناس أنه إذا كان المرئي شيئا واحدا أنهم يتزاحمون على رؤيته، ولكن الله جل وعلا يرى يوم القيامة دون مزاحمة فكل يراه وهو في مكانه، وهذا في المخلوق كذلك. فالقمر مخلوق من مخلوقات الله مع ذلك يراه الناس من غير مزاحمة، وهذا من باب ضرب المثل ليقرب للناس معرفة هذا الشيء. Donc on va traduire jusqu'ici, après on continue l'explication, inshallah. Le cheikh, il explique que dans ce hadith, il était avec les sahaba, assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les sahaba. Et il a regardé la lune, et c'était la pleine lune. C'est-à-dire que la lune était pleine, soit c'était la 14e nuit ou la 15e nuit du mois, et on sait que le calendrier musulman, il est basé sur la lune. Donc le mois commence quand le hilal, le croissant de lune, naît et le croissant continue à croître et à grossir jusqu'à ce qu'il devienne la moitié et il continue encore. Donc quand c'est la moitié, ça veut dire que c'est le quart du mois qui est passé. Quand la pleine lune arrive, c'est la moitié du mois qui est complétée. Donc, ça veut dire, quand c'est, disons, la moitié de la lune qui est complète, ça, c'est une semaine qui est passée. Après, quand il arrive à la pleine lune, c'est la moitié du mois, c'est-à-dire deux semaines qui viennent d'être passées. Quand ça continue encore à grossir, après, une fois que la lune est pleine, la moitié du mois, après ça commence à diminuer dans l'autre sens jusqu'à ce que la lune devienne une moitié encore une fois. Donc là c'est trois semaines et quand le croissant devient de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il disparaisse, là c'est la fin du mois, ça veut dire 30 jours qui ont été complétés et le mois suivant qui va commencer. Donc ça c'est comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé la lune et il dit ça fait partie de ses créations étonnantes et il dit la sagesse qu'il y a dans le fait que la lune a des phases de cette façon qu'on appelle les phases de la lune. Il dit ça c'est pour que les gens puissent justement connaître le calcul du temps, les mois et les années. Et il cite le verset dans sourate dans sourate Yunus, le verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est lui qui a fait du soleil une lumière, et c'est lui qui a fait du soleil un éclairage et de la lune une lumière. Et il dit, et il l'a prédéterminé comme en phase pour que vous puissiez savoir le nombre des années et le calcul. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis un calendrier directement dans le ciel pour qu'on puisse savoir le temps. Hein? Quand est-ce qu'on est rendu où dans le temps? Parce que vous savez que le temps, on le détermine uniquement par rapport au mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de temps. Hein? On ne pourrait même pas déterminer que le temps passe s'il n'y avait pas de mouvement. Et donc, le fait qu'il y ait justement ces changements dans les astres, il a créé ça pour justement qu'on puisse déterminer, hein, les mois et les jours et les semaines et ainsi de suite. Donc, c'est dommage que les êtres humains, malheureusement, à notre époque, surtout les chrétiens et les juifs, ils ont quitté ce système pour adopter un calendrier solaire, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avait pourvu d'un système ou d'un calendrier beaucoup plus efficace qui est tout à fait naturel. Et ensuite, le cheikh, il dit, فَقَوْلُهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْقَمَرْ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَيْ فِي حَالِ تَكَامُلِهِ وَبَهَائِهِ وَحُسْنِهِ. Donc, il dit, lorsqu'il regarde la lune, lorsqu'elle est pleine, hein, à ce moment-là, il dit à ses compagnons, hein, alors qu'elle est belle, elle est complète, il dit à ses compagnons, vous allez voir votre Seigneur de la même manière que vous êtes capable de voir la lune. C'est-à-dire, la lune, hein, tout le monde est capable de la voir, surtout quand elle est pleine. De la place où il est, il est capable de regarder dans le ciel et de la voir directement. Il n'a pas besoin de se bousculer ou il n'a pas de difficulté avec les autres pour être capable de le voir. Comme je vous donnais l'exemple tout à l'heure, lorsque les gens sont dans une masse ou dans une foule de personnes et qu'ils veulent voir quelque chose qui est devant, ils ont de la difficulté, surtout si certains sont plus grands que d'autres. Il y en a même qui vont monter sur les épaules des autres pour essayer de voir, hein, et ils vont cacher la vue à ceux qui sont derrière. Tandis que la lune, quand elle est pleine, quand elle est dans le ciel et qu'il n'y a pas de nuages, tout le monde est capable de la voir de là où il est. S'il est sur la terre, s'il est dans la mer, peu importe, il va être capable de le voir. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « La tudammuna fi ru'yatihi ». C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir de difficulté à la voir, vous n'allez pas vous bousculer les uns les autres pour être capable de le voir, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout le monde sera égal entre eux, tout le monde sera égal, que tu sois petit, que tu sois grand, tout le monde sera égal dans le fait qu'ils seront tous capables de le voir, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh, il dit, ولكن الله جل وعلا يرى. Donc, en général, comme je disais, les gens, ils se bousculent, mais quand c'est la lune, ils ne se voient pas. Et au jour de la résurrection, donc, les gens n'auront pas à se bousculer pour voir Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils vont pouvoir le voir de là où ils sont. وهذا في المخلوق كذلك. Ça, c'est la même chose aussi chez la créature, dans le sens que la lune, par exemple, elle est créée par Allah. Elle fait partie des créatures d'Allah. Et malgré ça, les gens sont tous capables de la voir sans se bousculer. Et ça, c'est un exemple que Allah subhanahu wa ta'ala pour rapprocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet exemple-là pour rapprocher la compréhension pour les gens. Pour être capable de leur faire comprendre cette chose et de leur faire connaître cette chose-là. Il dit, فَإِذَا كَانَ الْمَخْلُوقُ يَرَاهُ النَّاسِ دُونَ مُزَاحَمَةٍ مُزَاحَمَةٍ رُؤْيَةً وَاضِحَةً فَإِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُونَ مُزَاحَمَةٍ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ الْقَمَرَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ الرُّؤْيَةِ بِالرُّؤْيَةِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ وَلَكِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ ضَرْبِ الْمَثَلِ لِتَشْبِيهِ الرُّؤْيَةِ بِالرُّؤْيَةِ لَا مِنْ بَابِ التَّشْبِيهِ الْمَرْءِ بِالْمَرْءِ إِذْ قَدْ يُشْكِلُ هَذَا عَلَى بَعْضِ النَّاسِ. Donc ici, le cheikh, il explique justement le point que j'avais mentionné tout à l'heure. Donc il dit, donc si on est capable de voir une créature parmi les créatures d'Allah sans se bousculer et d'une façon qui est claire, alors Allah, subhanahu wa ta'ala, les croyants seront capables facilement de le voir au jour de la résurrection sans se bousculer aussi. Et il dit, et ça ne fait pas partie de faire ressembler la lune à Allah, puisque on n'essaie pas de comparer Allah à ses créatures. mais on fait juste faire une comparaison entre la facilité qu'on aura de voir Allah de la même manière que c'est facile pour les créatures de voir la lune. Et donc, il n'y a pas de comparaison ou de ressemblance entre le créateur et la créature dans cet exemple-là. C'est seulement un exemple pour comparer la vue, la façon dont on voit l'un et la façon dont il sera facile de voir l'autre aussi. Et donc, ce n'est pas pour faire comparer ce qui est vu, mais la façon de voir. Et ça peut causer quelques difficultés à comprendre chez certaines personnes, surtout ceux qui ont été influencés par les croyances des Jahmiyyah ou des Asha'ira et des gens de Bid'a, parce qu'eux, ils ont toujours ces idées-là. Le Cheikh, il dit ensuite... وقوله صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا أي لا يغلب أن لا يغلبكم الشيطان ولا تغلبكم النفس والأشغال الدنيوية على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا أي اجتهدوا في المحافظة على هاتين الصلاتين في وقتهما لتحظوا يوم القيامة برؤية الله جل وعلا فهاتان الصلاتان لهما فضيلة على غيرهما من الصلوات الخمس قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة الوسطى هي صلاة العصر عطفها الله على الصلوات من باب عطف الخاص على العام اهتماما بها. Donc le cheikh il dit, si vous êtes capable de ne pas être dépassé, hein, c'est-à-dire que le shaitan ne va pas avoir le dessus sur vous, et votre âme ou vos occupations de la dunya ne vont pas avoir le dessus sur vous dans le fait de faire la salat à l'aube, avant le lever du soleil, c'est-à-dire la salat de Fajr, et la salat avant le coucher de soleil, c'est-à-dire la salat d'Asr, alors faites-le. C'est-à-dire faites des efforts pour préserver et garder ces deux prières-là dans leur temps pour que vous puissiez justement avoir la possibilité de voir ou la chance de voir Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection, parce que ces deux prières ont un mérite particulier sur les autres parmi les prières, hein, parmi les cinq prières. Et Allah Ta'ala, il dit, donc, préservez les salawat, les prières, et en particulier la prière du milieu, c'est-à-dire la prière de Asr. Et Salat al-Wusta, c'est la Salat al-Asr, la prière du milieu. Allah l'a distingué des autres prières pour montrer son importance. Il a dit les prières et la prière du milieu pour montrer son importance. Le Cheikh, il dit ensuite, وقوله صلى الله عليه وسلم إلزي وقوله ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وسبح بحمد ربك يعني صلي والصلاة تسمى تسبيحا قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر وقبل الغروب أي صلاة العصر والمراد صلاة الفجر والعصر وصلاة الفجر يتهاون بها كثير من الناس فينامون عنها ولا يهتمون بها وبعضهم لا يصليها أبدا فيذهب إلى عمله وقد أهملها فمثل هذا كافر بالله عز وجل وبعضهم يصلي متى قام من نومه فصلاة هذا غير صحيحة لكونه لم يصلي الصلاة التي أمر الله بها وإنما صلى صلاة على اختياره هو لا على اختيار الله جل وعلا فهي لا تقبل لأنه تعمد إخراجها عن وقتها وإذا تعمد إخراجها عن وقتها فهي غير مقبولة ولا تصح وبعضهم يخرج من العمل بعد الظهر فيتناول غذاءه وينام ويهمل صلاة العصر وهذا مضيع للصلاة وربما لا يصليها أبدا فمثل هذا كافر وربما صلاها إذا استيقظ بعد الغروب أو وسط الليل فهذا أيضا لا تقبل منه صلاته فمتى هذا فمثل هذه الصلاة على هذا النحو لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز له التلاعب في العبادة ومثل هؤلاء يحرمون من رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فهذا حديث عظيم يتضمن إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهي من أعظم النعم التي تعطى يوم القيامة إكراما لهم، ولا شيء ألذ عليهم من رؤية ربهم سبحانه وتعالى، فهي ألذ عندهم من جميع النعم والملذات التي هم فيها. ولذلك يمنحهم الله هذه الكرامة فيرونه عيانا بأبصارهم. Donc on va traduire cette partie-là. Le cheikh il dit donc que ensuite il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset فسبح بحمد ربك. Alors glorifie la louange de ton Seigneur, c'est-à-dire fais la salat. Parce que la salat on l'appelle tasbih en arabe aussi. قبل طلوع الشمس, c'est-à-dire avant le lever du soleil, c'est la prière de Fajr, on l'appelle la prière de l'aube. Et il dit, et avant al-ghurub, avant le coucher du soleil, c'est-à-dire la prière de Asr. Et donc ces deux prières-là, il dit, il y a beaucoup de gens qui les négligent. Il y a beaucoup de gens qui les négligent, ils ne les prient pas. Peut-être que quelqu'un, par exemple, il va ne pas se lever pour la prière de Fajr, ou bien s'il dort après le Dhuhr, il ne va pas se lever pour l'Asr, surtout dans les pays où les gens font la sieste après le Dhuhr. Donc ils dorment, ils passent par-dessus le Asr et ils ne se réveillent pas pour la faire. Donc le Cheikh il dit, l'exemple de cette personne-là, il est kafir. C'est celui qui dort, il ne fait pas la prière jamais, il ne prie pas ni le Fajr ni l'Asr. Il dit ça, c'est un kafir billah. Il dit, il y en a d'autres, il l'a pris quand il veut, quand il se réveille de son sommeil, il l'a pris. Il dit ça, c'est pas une prière correcte. C'est-à-dire, si quelqu'un, il prend l'habitude constamment, c'est pas la personne, par exemple, une fois, de temps en temps, comme ça, il a manqué la prière de Fajr parce qu'il a dormi ou bien... il n'a pas entendu son réveil ou des choses comme ça, ça arrive comme ça de temps en temps, ça c'est pas grave, c'est-à-dire ça peut arriver. Il prie quand il se lève, c'est déjà arrivé même à l'époque avec les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith dans Sahih Muslim qui mentionne qu'une fois ils étaient en voyage et qu'ils avaient demandé à l'un d'entre eux de surveiller l'aube, et le sahabi qui était responsable de surveiller l'aube, il s'est endormi. Et ils se sont réveillés, le soleil était déjà sur leur tête. Alors ils se sont levés, ils ont prié. Ça peut arriver. Mais c'est quand quelqu'un il fait ça tout le temps, et que c'est devenu comme une habitude, et c'est devenu systématique pour lui, le cheikh il dit, il y en a qui vont par exemple se lever pour aller au travail, ils n'ont pas même fait la salat de Fajr, et ils partent. Donc il dit ça, ces choses-là, c'est grave. Il dit, la prière de ces gens-là ne sera pas acceptée parce qu'ils ont fait exprès pour la faire sortir de leur temps. Et donc, celui qui fait exprès pour la faire sortir de son temps, sa prière ne sera pas acceptée et elle ne sera pas valide. Il dit, il y en a donc qui partent aussi, il y en a d'autres qui reviennent à la maison après le Dhuhr, comme c'est le cas dans certains pays, comme les pays musulmans en Arabie Saoudite par exemple. Ils partent travailler le matin, puis quand c'est la prière de Dhuhr, ils rentrent chez eux. Donc, peut-être qu'ils vont dormir, et puis après, subhanallah, ils ne vont pas se lever pour l'Asr. Donc, il dit, ces gens-là, ils ont manqué la salat, et peut-être même qu'ils ne la prient jamais. Donc, celui qui ne la prie jamais, il est kafir. Et il dit, peut-être qu'il va la prier quand il va se lever, après le coucher de soleil, ou bien en plein milieu de la nuit. Et ça, il dit, celui-là aussi, sa prière ne sera pas acceptée. Et il dit, c'est comme l'exemple de la salat, donc, la personne qui fait la prière de cette façon-là, il ne prie pas de la façon que Allah a légiféré. Et donc, ce n'est pas permis de jouer avec l'adoration. Et donc, ces gens-là seront privés de voir Allah au jour de la résurrection. Et donc, il dit que ça, c'est un grand hadith. Donc, et il comprend donc que les croyants vont pouvoir voir leur Seigneur au jour de la résurrection, et ça fait partie des grandes grâces que Allah va donner aux, aux croyants au jour de la résurrection pour les honorer. Et c'est la chose la plus douce et la plus merveilleuse que les croyants vont pouvoir avoir, c'est-à-dire de pouvoir regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est les plus grands délices et les plus grands, le plus grand plaisir qu'il y a dans le paradis que Allah va donner, hein, cet honneur de pouvoir justement le voir avec les yeux. Et comme le frère il mentionnait tout à l'heure le verset, le frère Shu'aib, hein, il mentionnait le verset « Wujuhu walilladhina ahsanu al-husna wa ziyada » c'est-à-dire ceux qui ont fait preuve d'ihsan et de bienveillance, ils auront en récompense de la bienveillance et plus encore, et quelque chose de plus encore, « wa ziyada ». Et les ulama ont expliqué que « al-ziyada », le surplus ici, c'est le fait de pouvoir voir le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a donc, ensuite le cheikh il dit, « فَفِهِ ضَرْبٌ الْأَمْثِلَ » « ضَرْبٌ الْأَمْثِلَ » يعني للأمور الغائبة. Donc ça, comme le verset en question que tu as mentionné, c'est vrai que ça fait partie des preuves pour établir ou affirmer que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection, mais c'est pas explicite dans le verset lui-même. Ça vient dans l'explication des sahabas qui ont donné de ce verset-là, tandis que le verset dans Sourate Al-Qiyama, yani, ila rabbiha nazira, ça c'est explicite et clair, hein? Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Et le cheikh il dit donc ensuite, ففيه ضرب الأمثلة للأمور الغائبة بأمور محسوسة ومشاهدة من أجل تقريب المعاني فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل على الشيء الغائب بشيء حاضر محسوس لأن لا يقال كيف سيرى أهل الجنة كلهم ربهم تبارك وتعالى وهو واحد فلا يمكن هذا فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا أمكن أمكن في المخلوقات وهو القمر أمكن في المخلوق وهو القمر فهو يمكن في حق الله جل وعلا من باب أولى ففي هذا إزاحة للإشكال وإيضاح بالمثل وفي حديث الحث على المحافظة على الصلوات الخمس لا سيما الفجر والعصر وأن ذلك سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة ففيه أن من لم يحافظ على الصلوات الخمس فإنه يحرم من رؤية الله يوم القيامة نسأل الله العافية. Donc il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc donné un exemple pour comparer quelque chose d'invisible à quelque chose de visible ou de palpable, hein, pour donner un rapprochement dans les significations. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet exemple-là de quelque chose qui est invisible et qui est absent en comparant à quelque chose qui est présent et qui est palpable et concret pour pas que les gens disent mais comment serait-il possible que les gens du paradis voient tous Allah alors qu'il est unique, alors que les gens sont tous ensemble et réunis. Alors ça c'est, il dit, et que des gens disent ça, mais ça c'est pas possible. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple de quelque chose qui est créé, qui est la lune, pour leur faire comprendre que oui, c'est possible à propos d'Allah, si c'est possible à propos de cette créature de le voir facilement, donc encore plus facile de voir Allah au jour de la résurrection. Et il y a la preuve en même temps aussi que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. Mais c'est ça que les gens de Bid'a, ils ne veulent pas affirmer. Parce qu'ils ne veulent pas affirmer que Allah est au-dessus de sa création, qu'il est al-aliyul a'la, hein, et qu'il est al-arshistawa, hein, élevé sur le trône, et qu'il est au-dessus de ses créatures. Hein? Donc eux ils disent non, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Hein? Donc tu leur dis, mais dans ce cas-là, il est où? Hein? Il y en a qui disent, il est partout et en toutes choses. Hein? Et ça, c'est les Jahmiyyah. Et il y en a d'autres qui disent, il est nulle part. Il est nulle part. Donc ça, c'est les athées, on sait, c'est les gens qui ne croient pas en Allah. Mais le résultat de cette parole, c'est la même que celui des athées en réalité. Puisque s'ils disent qu'il est nulle part, ça veut dire qu'il n'existe pas. D'accord ? Donc, c'est très dangereux ces croyances-là. C'est les croyances des Jahmiyyah et des Mu'tazila. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Non, non. Des fois, tu vas trouver, par exemple, des citations qu'eux, ils vont rapporter. Et souvent, c'est des choses qui sont faibles ou fabriquées, des choses inventées. D'accord ? Parce que sinon, le terme, par exemple, « al-jihah », il n'est pas mentionné ni dans le Coran ni dans la Sunna. Il n'y a nulle part dans le Coran où Allah dit qu'il est « fi jihah » ou « la bil ithbat » ou « la bil nafi ». Il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de négation. Mais le terme « jihah », on ne l'utilise pas, nous. Le sunna, on n'utilise pas ce terme-là du tout. Pourquoi ? Parce que Allah ne l'a pas utilisé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas utilisé. Al-jihah, ça veut dire la direction. Et eux disent, Allah laisse fi jihah. Ils disent, on n'affirme pas aucune des six directions à Allah. Et ils veulent dire par là, en haut, en bas, à droite, à gauche, en avant, en arrière, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est ça qu'ils veulent dire. Al-jihah as-sitt. Mais ça, en réalité, ça vient, ça correspond ou ça équivaut à nier Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même. De dire qu'il, c'est comme si tu dis qu'il n'existe pas. Et pourtant, al-fawqiyya, il est affirmé dans le Coran. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yakhafuna rabbahum min fawqihim, en parlant des anges. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans combien de versets? Par exemple, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Il mentionne que c'est vers lui que s'élève la bonne parole et les bonnes actions l'élèvent. Et il mentionne aussi بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, en parlant de Isa alayhi salam. Il dit, il l'a élevé vers lui. Hein? Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Hein? Mais il l'a fait monter vers lui. Il y a aussi le verset dans lequel Allah dit Ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi. C'est vers lui que s'élèvent les anges ainsi que l'esprit, Jibril alayhi salam. Ça, c'est les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala est fil 'ulu, il est au-dessus de sa création. Il y a aussi parmi les versets أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف أن يرسل عليكم حاصبا. Êtes-vous en sécurité ou pensez-vous que vous êtes en sécurité que Allah vous fasse engloutir par la terre, ou bien vous pensez-vous en sécurité qu'il vous jette, yani qu'il fasse tomber des pierres sur vous? Donc tout ça, c'est pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Oui, alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Anzala, ça veut dire il l'a fait descendre, ça veut dire qu'il est au-dessus. Hein? Et ar-Rahmanu ala al-arsh istawa thumma istawa ala al-arsh. Le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône, puis il s'est élevé sur le trône et ainsi de suite. Donc ça, c'est des versets qui affirment ça, c'est clair. Et quand il mentionne dans le verset, par exemple, مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils ne vont pas être en train de faire des discussions secrètes, qu'ils soient trois, excepté qu'il est le quatrième, ou bien le 4, excepté qu'il est le 5e, et ainsi de suite. Et ils ne vont pas se réunir et parler de discussions secrètes, excepté qu'il est avec eux. Hein? Où il se trouve. Et les ulama, ils ont expliqué, quand il dit qu'il est avec eux, c'est-à-dire par sa science, par sa connaissance, par ses anges, il est proche d'eux. Dans l'autre verset, il dit, « Wa huwa aqrabu ilayhi min habli al-warid » Il est plus proche d'eux que leur veine jugulaire. Il dit parce que les anges qu'il a placés sur chacun d'entre eux, qui écrivent leurs paroles et leurs actions, ils sont proches de lui. Hein? Et de même que également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il les voit et il les entend à tout instant et il sait ce qu'il y a dans leur cœur. De même que le verset dans lequel il dit « وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ » Nous sommes plus près de lui que vous, mais vous ne vous en rendez pas compte ou vous ne vous en apercevez pas. Donc tout ça pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est près de nous par sa science, par sa vue, par son ouïe, de cette façon, par ses attributs, mais pas dans le sens qu'il est mélangé à sa création ou dans sa création elle-même, comme le disent les gens de Bid'a parmi les Soufis ou bien les Jahmiyyah et les gens de Bid'a, dans ce sens-là, qui mélangent le Créateur et la créature ensemble. Donc tout ça, c'est des points importants à comprendre si on veut comprendre comme il faut la foi en Allah et la aqida de Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Et il y en a qui disent, ouais, mais si tu dis qu'il est au-dessus, mais nous on habite, par exemple, au Canada, qu'est-ce qui arrive à ceux qui habitent en Australie et qui sont en dessous? Est-ce que Allah est au-dessus d'eux aussi quand même? Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des sept cieux. Et donc la terre, c'est comme un grain de sable dans la main de l'un d'entre nous pour Allah. Et c'est pour ça qu'il dit au jour de la résurrection, yani, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, il va faire de la terre une poignée dans sa, il va en faire une poignée dans sa main, de même que les cieux, il va les plier dans sa main droite. Donc toi, tu demandes par la suite des choses comme ça. Subhanallah, Allah, il est au-dessus de toute sa création, il enveloppe sa création avec sa main, comme si c'était comme toi, tu mets un grain de sable dans ta main, tu le fermes dans ta main. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça avec l'univers. Il le ferme dans sa main. Donc comment toi tu peux essayer de comparer Allah avec la création? A'udhu billah. Donc le cheikh, il termine en disant donc qu'il y a aussi dans ce hadith une clarification de l'importance de préserver et de garder les cinq prières, en particulier Fajr et l'Asr, et que c'est une des choses qui font partie des causes pour que les gens puissent voir Allah au jour de la résurrection. Et il y a également le fait que celui qui ne préserve pas ses cinq prières, il risque donc d'être privé de pouvoir voir Allah au jour de la résurrection. Nasallallahu al-afiyah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ah oui, par rapport à l'ulou, il y a un dernier point que je n'ai pas mentionné, mais c'est al-mi'raj. Le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit de l'ascension, du voyage nocturne, il est monté de Bayt al-Maqdis jusqu'au septième cieux, et c'est là que Allah lui a révélé les prières. Donc, ça aussi, ça fait partie des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Na'am. Donc, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum. ورحمة الله وبركاته